étoilé. Vos regards sur la rivière de mon nom allongé. Je regarde loin de moi sur ce mur d'eau glacée. Je ne ressens pas ce froid, mais mon corps est gelé. Thank you.